Vous avez vu? Ils ont osé. Ils ont fait le remake de Boudu. Un petit film à la mort moi Salamé qui n'a aucun intérêt et qui pourtant sort aujourd'hui sur tous les écrans. L'histoire de ce mec riche et loser à la fois qui sauve un SDF de la noyade et qui se retrouve avec ce mec sur les bras et surtout dans l'embarras. Ça n'apporte rien de neuf. Sachez que la version originale, Boudu sauvé des eaux, avait été reprise brillamment par un ami à moi, réalisateur. Ça s'appelait Helmut sauvé du schnaps. Là, il y avait de l'intrigue, du suspense, de la passion et de l'humour, croyez-moi. T'as de la chance, mon cri-cri. J'ai la bande-annonce avec moi. Ah là là là là là, Jean-Pierre est en train de se demander s'il a bien fait de sauver Helmut de son bain de schnapps. C'est vrai que le Helmut est un peu cabotin, il boit un peu trop de vin de la cave de Jean-Pierre, il est plutôt taquin avec les invités de Jean-Pierre, et il fait tout le temps des blagues au grand-père de Jean-Pierre. Seule Mireille, la femme de Jean-Pierre, semble avoir les faveurs du monstre. Ah là là, pas facile la vie en communauté. Mais enfin Helmut, arrêtez de boire tout ce qu'il y a dans ma cave. Ah toi, ta gueule. Écoutez, je trouve que vous exagérez après tout ce que j'ai fait pour vous. Non mais je rêve, il ne reste plus que des bouteilles. Oh, merci Jean-Pierre, je les avais pas vues. Helmut, je vous présente mes amis, Sylvie et Raymond. Venez dire bonjour Helmut. Salut les invités. Ouf, ben dites-moi, si à la fin du repas, il y a concours de la tête de con, ça sent l'égalité avec Raymond Jean-Pierre. Helmut, vous êtes odieux. Prenez tout de suite, présentez tout de suite vos excuses. Oh, c'est bon, je suis désolé. Ah ben quand même. Je suis désolé pour toi, Sylvie. Te taper une tête d'abruti comme Raymond, ça doit pas être facile tous les jours. Hé, hé, Pépé. Qu'est-ce qu'il y a? Pépé, venez voir par la fenêtre. Mais je vois rien. Mais si, allez-y, penchez-vous un peu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois juste une grande verrière quatre étages plus bas. Hé, approchez-vous de plus près. Quel con, le vieux. Oui, monsieur Helmut, vous m'avez demandé de venir dans votre chambre. Oui. Vas-y, Mireille, desserre-toi, tu te sentiras mieux. Mais enfin, monsieur Helmut, ce n'est pas raisonnable. Et ça, c'est raisonnable? Oh, mon Dieu, vous êtes nu et en érection. Et c'est tout pour toi, ma loutre. Ne manquez pas les aventures rocambolesques de notre héros bourru dans Helmut sauvé des eaux. Ah. Eh ben ça, mon cri-cri, c'est du cinéma. J'ai l'impression d'écouter Philippe Cobert, là. Il y a l'action. Multiplication des rôles. Bon, je vous laisse. Je dois aller faire mon speech devant la commission de comité olympique en visite à Paris. Delanoë compte beaucoup sur mon intervention. Ah, c'est pas gagné. Au revoir.